Lorsqu'on pense à un amour d'hier, on se plonge dans des rêveries, essayant de revivre en ces doux moments vécus, qui nous avaient rendus tant heureux. Mais, hélas, c'était autrefois. Autrefois, notre amour brillait comme les étoiles dans le ciel scintillaient. Un simple regard suffisait pour nous exciter, et dans tes bras, j'étais exalté. Ta douceur remplissait tout mon cœur, je ne pouvais me passer de ta saveur. Ravissante comme un joyau de fleurs, tu embaumais ton séducteur. Éblouissante comme des pétales de rose, tu me rendais parfois morose. Fascinante comme un ange tombé des cieux, je te couvrais de baisers gracieux. Obéissante, tu étais dans mes bras, tu me suivais à chaque pas. Infiniment, je ne pouvais cesser de te caresser. Nos deux corps sont restés enlacés. Sont ceux des sentiments toujours présents qui resteront gravés dans le temps.